Voici votre bulletin régional. À Istengis, le 13 janvier, souper de fin volard et jambon à 17h30 à la salle des Chevaliers de Colomb. Cours de yoga les mardis soirs du 13 janvier au 24 février à 19h en haut de l'hôtel de ville de Bury au coût de 50$. Inscription et information à fesendenk@etsb.qc.ca. fesendenk@etsb.qc.ca.